si tu ne peux pas résoudre un problème en empruntant le même chemin que les autres, attaque-le par le côté. C'est le slogan très zen de ce premier podcast 44. Un podcast consacré à une adolescente à l'encontre de qui la médecine a rendu un verdict plutôt sombre. Laurence, c'est le prénom de cette jeune habitante de Genève en Suisse, avait 15 ans, lorsqu'elle a rendu visite à son médecin à cause de douleurs persistantes dans le dos. Nous sommes, et c'est un détail important, en 1956. J'ai commencé à avoir des problèmes de dos, avec des douleurs dans le bas du dos, de la gêne. Et bon, ce que les parents font dans ce cas-là, c'est qu'ils vous emmènent chez le médecin. Donc, il était embêté, il a fait faire des radios et c'est là qu'on a vu le problème, qui était ce qu'il a appelé un Scheuermann. La maladie de Scheuermann, découverte en 1921, touche les adolescents en période de croissance. Cette maladie osseuse se soigne aujourd'hui avec des séances de kinésithérapie. Mais il y a 60 ans, et même si la discipline existait déjà en Europe, on appliquait d'autres méthodes. À l'époque, ce genre de choses, on le connaissait, mais on le soignait d'une manière extrêmement radicale, dans le sens qu'on emmenait les jeunes, parce que ça arrive souvent à l'adolescence, ce genre de choses, dans des sanatoriums qui existaient en Suisse, notamment à Lesins, en altitude, et on mettait le dos dans un corset en plâtre très rigide, et on restait 2 ans sur un lit extrêmement dur pour que la colonne se remette en place. Sanatorium. Aujourd'hui, c'est surtout un sujet de films d'horreur ou de fantasmes. Il faut dire que ces structures qui n'existent plus, ces hôpitaux situés à la campagne ou à la montagne, remplissent un rôle ingrat. En fait, on y envoyait des gens qu'on n'arrivait en général pas à soigner. La maladie la plus incurable de l'époque, la tuberculose, a été au début du XXe siècle la raison de la multiplication de ces établissements, dans lesquels on partait en cure, souvent pour des très longues durées, parfois pour toujours. Mais à l'époque, un personnage étrange est en visite à Genève. Il est indien, il est charismatique, et par chance, c'est un ami de la femme d'un ami de la famille. Il s'appelle... Mahesh. Il me semblait vieux, et il avait votre âge. Hein. Mon âge, c'est 31 ans. Je pense que c'était son âge, justement. En fait, c'était un... En plus de ça, c'était un bel homme, un peu mystérieux, parce qu'il avait ce côté hindou qui apportait beaucoup de charme et de mystère. Et il avait quelque chose d'extrêmement doux. Et il avait des mains qui étaient déjà guérisseuses, quelque part. Très douces, avec des gestes très calmes. Il était tout à fait rassurant. Et en même temps, je n'ai jamais eu un sentiment de quelque chose de bizarre et qui ne m'inspirait pas confiance. Je ne suis même pas sûre qu'il était vraiment médecin. Mais il était déjà quelqu'un de connu dans le monde médical avec cette solution qu'il proposait par le yoga. Et il faisait des conférences un peu partout pour faire connaître cette nouvelle méthode. Il faisait ça avec beaucoup de naturel. On n'avait pas l'impression que c'était un scientifique qui avait découvert des nouvelles méthodes et des choses comme ça, mais quelqu'un qui vivait ça comme une chose tout à fait plausible. Puis c'était tellement simple à comprendre aussi, n'est-ce pas? Donc c'était un art de vivre face à des universitaires, quelque part. En fait, médecin, il ne l'est pas. En tout cas, pas encore. Shri Mahesh est né dans le Karnataka, au sud de l'Inde. Et il est guidé depuis tout petit par des capacités hors du commun. Très jeune, il est champion de course à pied. Et à ce titre, il vient à Paris pour disputer les Jeux Olympiques universitaires en 1947. Mais c'est surtout sa connaissance du yoga, une discipline quasi méconnue en Occident à l'époque, et son utilisation pour soigner son propre corps qui frappe les esprits. Il décide après la course de rester en France. Il se lie rapidement avec Françoise Dolto et son mari Boris, qui est lui-même kinésithérapeute. Impressionné par son savoir-faire de yogi, c'est lui qui le pousse à montrer ses postures étranges jusque dans les amphithéâtres de la Sorbonne. Dans le Paris des années 50, Mahesh devient très rapidement la coqueluche de certains médecins, fascinés par ses exercices musculaires. Parmi eux, le docteur Baumann, de l'Institut de recherche suisse, qui l'invite donc à Genève. La colonne est déficiente, pour des raisons aussi d'âge, quand on grandit encore à 15 ans. Lui avait pour solution de renforcer la musculature autour de la colonne. On a tout de suite vu, après la consultation que j'ai eue avec le médecin, il y avait la perspective d'aller suivre des consultations chez lui à Paris. Donc pour moi, à 15 ans, l'idée d'aller à Paris pour me faire guérir, je trouvais ça vraiment génial. Laurence devra donc aller à Paris, juste une semaine, juste une heure par jour. Le genre de traitement qui permet de faire du tourisme, surtout quand on a 15 ans, et qui fait des miracles sur cette maladie prétendument incurable. C'était des exercices qui permettaient, on était assis avec des postures avec les bras, et puis d'essayer d'allonger les muscles, d'en faire travailler d'autres, etc. Donc des choses tout à fait refaisables, mais ma mère était avec moi, et ma mère prenait des croquis des exercices, donc on pouvait après les refaire à Genève. Et après cette heure de gymnastique ou de yoga plutôt avec ce professeur, elle me disait « Écoute, on va rentrer à l'hôtel pour que tu te reposes. » Et moi, j'étais en pleine forme et j'avais cette magie de découvrir Paris en même temps. Et j'étais déjà quelque part dans le tonus de l'amélioration et je sentais que ça allait revenir. Donc au contraire, je poussais ma mère pour aller un peu partout visiter Paris. Je pense qu'il y avait beaucoup aussi de questions de comportement. Je sentais que c'était la bonne voie. Je voyais Paris pour la première fois. J'avais envie de découvrir Paris. Et je pense que j'avais la porte ouverte pour la guérison. Donc, ça me donnait beaucoup aussi d'énergie pour aller plus loin. Le traitement est un succès si éclatant que quelques mois plus tard, Laurence est conviée devant une assemblée de médecins genevois. Entre-temps, la notoriété de Maesh a encore grandi et on le presse de montrer les résultats de ses traitements hors du commun. Le cobaye, entre autres, s'appelle Laurence. Alors là, je retourne à mes 15 ans avec ma timidité. En plus de ça, je n'avais que des sœurs. Un garçon, c'était une chose bizarre pour moi. Enfin, je vous résume quand même. Le médecin ou le professeur de yoga, si on veut être plus précis, l'idée, c'était qu'il fasse sa conférence et puis qu'après, il montre des jeunes qu'il a guéris avec sa méthode. J'étais priée d'être dans une salle de conférence. Je me revois là avec une petite culotte, un petit soutien-gorge. Et puis à côté, je découvre un garçon que je connaissais vaguement en plus. Enfin bref, c'est des petits sentiments de fille de 15 ans, un petit peu très naïve. Alors après, disons, la partie médicale intéressante, c'est que mes radios ont été projetées. Et puis après, on m'a demandé de faire les exercices que je savais faire. Et ça, c'était vraiment le truc intéressant pour les médecins. Parce qu'en théorie, j'étais sur un lit dur avec un corset de plâtre pendant 2 ans. Et là, au bout de 2 mois, j'étais vraiment déjà bien capable de pouvoir vivre normalement. Si son état s'est considérablement amélioré, les vieilles méthodes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et les 2 années suivantes vont s'avérer un peu particulières. J'ai vécu une vie normale d'une fille de 16 ans, 17 ans et compagnie. Sauf quand même, à l'école, j'ai vécu 4 ans sur une planche. Quel âge vous aviez ? À partir de cette rentrée-là où j'étais montrée au médecin à l'hôpital, la préconisation après, c'était plutôt que d'être affaissée sur une chaise devant un pupitre pour travailler à l'école. On m'a mis sur une planche à plat ventre pendant les cours. Donc vous étiez dans le fond de la classe ? Oh, hélas, non. On m'a mis devant. J'étais entre le prof et les élèves. Et donc ça, c'était horrible parce que je ne pouvais pas tricher. Je n'ai pas eu des meilleures notes à cause de ça. Mais donc vous écriviez allongé. À plat ventre. J'avais une grande planche et puis il y avait un coussin conique qui me permettait d'être un petit peu surélevée comme ça. Et puis devant encore un plateau pour écrire. Vous savez que c'est sans doute le rêve de tous les écoliers. Pas sous les yeux du prof. Mais j'ai aucun souvenir pénible de ça. Je trouvais juste embêtant parce que j'aimais bien pouvoir tricher quand j'en avais besoin. Et puis là, c'était plus possible.